suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse Paysan les 4 saisons, une série de Julie Navarre réalisée par Jean-Philippe Navarre. Au départ de cette série, il y a l'envie que l'on a parfois de vivre au grand air. Il y a aussi de la curiosité pour ce qui est un mode de vie plus qu'un métier et qui reste encore calqué sur le rythme des saisons. Et puis il y a l'idée de comprendre comment désormais on peut s'inventer agriculteur pour pouvoir tout concilier. Alors pour commencer les personnages, une agricultrice retraitée qui apprend à nager, un céréalier retiré qui fait du vélo, des parents qui cèdent la place, des retraités qui travaillent, des jeunes qui se démarquent, de vieux couples qui jardinent et ont gardé des animaux, et une marquise indifférente. Ensuite le décor, le lin bleu qui ondule, la plaine à perte de vue, des étourneaux dans les haies, des quasi-faillites, des retournements de situation, de l'indépendance et de la servitude, et au loin la politique agricole commune. Aujourd'hui, 4e épisode, on est dans une ancienne ferme. Bonjour Paul, il y a Pépé qui arrive là. Bonjour. Donc au départ, c'était votre ferme? Oui, c'est une ferme qui nous vient de mes parents, qui vient elle-même de leurs parents. La maison a été construite en 1853. Paysan. Les 4 saisons. Un documentaire de Julie et Jean-Philippe Navarre. Ancien agriculteur, la récolte de demain. Bon, j'imagine que depuis 1853, elle a pas mal évolué. C'est vrai que ça a dû changer un petit peu. D'ailleurs, la ferme a été construite dans la vallée, là. Je pense que c'était une zone inondable. Donc, ils ont construit en haut, là, à la ligne de partage des eaux. Vous voyez, mon grand-père, moi, il habitait la ferme là-bas, la ferme de la cour, de l'autre côté de la vallée. La vallée, d'accord. Ouais. De la porte, Pépé, non? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé à la retraite alors? Ben, rien. Étonnant, hein? Rien. On n'a plus à prendre les décisions, c'est plus sur nos deux épaules, à nous, hein, évidemment. Mais on se sent responsable quand même, bien entendu. On partage la responsabilité, en quelque sorte, pour nos enfants, avec nos enfants. Vous êtes toujours sur l'exploitation. Oui, et oui, vous oui. êtes toujours salarié. On peut trembler pour eux, bien entendu, hein, ça c'est certain. Mais ce sont eux qui prennent. On prend les décisions tous ensemble. Oui, c'est hein, ça, c'est tout ça pour dire. Hein. Oui. Qu'est-ce que vous faites au jour le jour? Comment vous vivez la retraite? Je sais pas, on ne vit pas la retraite, on ne peut pas dire ça. Hein. Si? Vous continuez à travailler? Ah oui. Oui. Et pareil, ça aide à vivre. Quand vous n'avez plus de projet, quand vous n'avez plus rien. Triste, hein? Vous savez pas ça encore. Il faudrait apprendre à jouer au domino, hein, ou aux cartes. C'est sûr, ça dépend des goûts. Hein. Je m'appelle Jean-Claude. Je suis né en 1943. Je suis né à Saint-Fulgent-des-Ormes, dans l'Orne. Je m'appelle Marie-Claire. Je suis née à Vaunoise, à côté. J'ai 68 ans. Nous avons 3 enfants. Ça va, ils sont en bonne santé. Ah oui, ils sont gentils. Bon, c'est quand même un moment difficile quand on a fait une carrière de 50 ans. Du jour au lendemain, surtout plus avoir d'animaux à soigner, ça fait quand même un grand vide. Une anecdote toute bête, autrefois quand on arrivait le dimanche, on allait à la traite. Au début, qu'on était en retraite, en rentrant le dimanche, on allait changer. On se remettait en tous les jours. On n'avait rien à faire pourtant, mais c'était une habitude comme ça. On regardait dans la cour, on rentrait les poules. C'est passé, hein, c'est... J'ai arrêté à 65 ans, j'ai 80 ans passés, et je m'appelle Philippe. Voilà, et puis bon... J'ai toujours aimé chanter. Étant jeune, j'ai fait du théâtre. À la retraite, je suis rentré dans une chorale. Bon, maintenant, ma voix commence à diminuer. Disons que je ne me permettrai plus de ce que je faisais. Ça m'est arrivé de chanter en soliste. Bon, en plus, j'ai un grand jardin. J'adore jardiner. On a toujours touché à la terre. Et on y touche encore, parce que c'est un besoin, je dirais. Alors, partie jardin, partie fleurs, partie musique, quand on a envie de sortir, partie plage aussi. J'ai appris à nager à l'âge de la retraite. Vous avez encore quelques bêtes ? Oui, un peu d'élevage, pour s'amuser, on va dire. Je m'appelle Denise, 15 ans que je suis à la retraite et que je vis très bien ma retraite. Moi, je crois que tous les retraités vous diront, c'est ou bien mieux travailler, continuer, parce que c'est fatigant d'être à la retraite. Je plaisante, mais c'est un peu vrai. Bon, si vous voulez, d'abord, je me lève beaucoup moins tôt qu'avant. Hein. Et là, maintenant, je commence rarement avant 10 heures de travailler quand je travaille. Alors, mon travail, ça consiste surtout à aider mes enfants, en fait. Bricoler, poser des parcs, du papier peint, des choses comme ça. Autrement, pour les fermes de mes enfants, j'aide... suivant mes besoins, quoi, soit à faire un traitement, soit mais de moins en moins, parce que maintenant, les charrues, les tracteurs, tout ça, c'est guidé par les satellites. Hein. C'est tellement compliqué pour moi que j'ai du mal à m'y mettre. Mais bon, j'aide des bricoles, quoi. Mais avec 5 enfants, ça revient souvent, quand même. Alors, ouais, on va faire l'état civil. Je suis Marc Bourgeot, j'ai 67 ans. Je suis marié, j'ai 5 enfants, dont... 3 agriculteurs et tous double actifs. J'ai 10 petits-enfants, oui. J'ai plus de garçons que de filles. J'ai 2 petites filles simplement et donc 8 petits-garçons. Et ça, c'est le bonheur absolu. Je me présente. Je m'appelle Bernadette. Je suis à la retraite depuis très longtemps. On a un petit bled qui n'y a rien, mais enfin. Et qu'est-ce que vous faites au jour le jour ? Oh, mais vous savez, oh là là, c'est rempli. Je suis la présidente des aînés ruraux, alors il y a quand même beaucoup de choses à faire, pas beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sorties, on est souvent partis. C'est vrai qu'on me dit souvent, maman, t'es jamais là. En fait, vous profitez de faire un peu tout ce que vous n'avez pas eu le temps de faire du temps de votre activité. Ah oui, mais c'est fait il y a longtemps, hein, parce que vous savez, la retraite, il y a longtemps que je l'ai. Hein. J'ai 77 ans. Étant donné que j'ai un petit budget, je répète, je dois aux vacances à 50%. Alors, c'est une semaine. Tantôt, c'est dans l'Aveyron. Après, c'est dans le Finistère. C'est une fois par année. Ça, c'est la semaine. Ça, pour moi, c'est sacré. Heureusement, parce que sinon, je ne suis jamais sortie à droite, à gauche comme ça. Jamais. Aux alentours, là, c'est tout. Hein. D'accord. Oui. Dommage que ce n'est pas une fois dans l'année. Alors, à la retraite, j'ai encore des projets. Hein. Enfin, quand on était jeune, mon père nous avait interdit d'acheter des mobilettes. On avait le droit d'aller en vélo. Et donc, on a commencé à 14 ans à se promener en vélo en Allemagne, etc., etc. Donc, j'ai continué à faire du vélo. Et un peu avant de m'installer ici, là, je faisais le tour de la Normandie. Et j'ai rencontré un cyclo qui s'en allait en Thaïlande. Alors quand même, là, ça m'a vraiment fait un choc. Je me dis, moi, je me promène autour de la Normandie. Et lui, il s'en va en Thaïlande. Je me suis dit, quand même, là, il faudra que j'y aille un jour. Mais... même en étant céréalier, aller d'ici en Thaïlande en vélo, c'était quand même pas facile, quoi. Il a fait de temps en temps des voyages de 2 mois. Oui. Mais c'est tout. Tous les 10 ans, quoi. C'était vraiment rare, en fait. Le reste du temps, il travaillait. J'ai fait un tour en Nouvelle-Zélande une fois, un tour en Australie. Et puis, on a été à Cuba avec Daniel aussi. Mmh. Bon, donc on a fait quelques petits voyages en vélo comme ça. Et je suis allé en Amérique du Sud, quoi. En cargo. Et là, Danielle a été... séduite. Et elle a fait quand même 1 mois et demi de vélo avec moi dans le nord de l'Amérique du Sud. Et puis ensuite, moi de Bogota, j'ai continué tout seul jusqu'à Ushuaia. Ça, c'était le départ Thaïlande raté, quoi. Et donc, l'année prochaine, normalement, c'est direction Thaïlande. Sans avoir rien planifié, parce que c'est juste comme ça sur la carte. J'aime bien toujours l'improvisation. Et l'inconnu, c'est peut-être pour ça que j'ai fait du bio aussi, parce que bon... c'était nouveau, personne ne savait ce que c'était. Donc il y avait un challenge. Et donc c'est aussi peut-être un peu dans mon tempérament de faire les choses sans avoir un tracé programmé, préétabli et tout ça. Voilà. Là maintenant j'ai 65 ans, donc Pierre de Comte. Et rien de plus. Hein. Maintenant, je travaille plus beaucoup, mais j'aime bien m'occuper quand même. Je diminue, mais avant, j'aimais bien faire un peu de bicyclette tous les matins. J'avais un petit circuit. Philippe. Ça me permettait de d'abord voir la nature, parce que ça fait partie de ma vie. D'ailleurs, au pays, ils disaient, tiens, le père machin, là, il n'est pas encore passé ce matin. Quand je vais sur la route, je vois des champs de chaque côté, donc je me dis, tiens, là, il aurait dû faire ça, ou là, c'est bien, ça. Mais c'est évident. Est-ce que ça va être de la nostalgie, ou est-ce que vous vous dites... Non, c'est pas du tout de la nostalgie, c'est beaucoup mieux que c'était, parce que c'est moins fatigant, tout simplement. Quand j'ai commencé, il y avait encore pas mal de travail physique. Marc Bourgeot. Je vous donne un exemple tout bête, c'est que quand j'ai commencé, pour semer le blé, bon, mon prépare les semences, évidemment... Il fallait les mettre dans le semoir, c'était des sacs de 50 kilos. Alors c'est bien 50 kilos, mais quand on en met 8 à 10 sacs dans un semoir, au bout de la journée, c'est fini par être fatigant. Maintenant, le problème est réglé, c'est des sacs d'une tonne. Donc évidemment, vous n'allez pas les promener sur votre dos, ce qui fait que c'est plus fatigant, une tonne. C'est un progrès très net. Hein. Non, je ne suis pas nostalgique de l'agriculture. J'emmenais, se balader et tout, ça, chez nous, ça n'existait pas. Hein. Bernadette. Que je me marie, que mais pas ça, qui était toujours à la chasse et à la pêche. Le dimanche, c'était ça. Alors moi, j'avais ma machine à coudre, je cousais. Le dimanche, je faisais de la couture. Et alors vous, votre propre ferme, elle était comment? On faisait la vache laitière, on faisait l'élevage, on élevait tous les veaux qu'il pouvait y avoir. Et puis, pour foutre volaille, et puis, voilà... On traillait les vaches à la machine, mais on emportait toujours le lait dans le tank avec des bidons de 20 litres qu'il fallait soulever pour les vider dans le tank. C'était des machines à traire où vous les faisiez une par une ou... Oui, oui, oui. On en traillait deux à la fois. J'ai démarré avec 37 hectares, avec un ouvrier. Et puis au fil des ans, j'ai récupéré des voisins des petites fermes aux alentours de la mienne, de fermes de 5-10 hectares. Et bon, j'ai fini avec 70 hectares. Et avec l'évolution, j'étais arrivé avec du personnel occasionnel. Mais j'étais toujours éleveur et j'ai trait mes vaches et soigné mes petits veaux 365 jours par an. Et puis très tôt, on est passé à la machine à traire, et puis la machine à traire, ça a évolué un peu. Enfin, je ne suis pas rentré dans le gros système des salles de traite et compagnie. J'ai pas voulu investir de trop. Et puis, je voulais une étable assez moderne pour mes 30 vaches. Puis quand je suis allé au Crédit Agricole, on m'a dit, on vous prête de l'argent pour 60, mais pas 30. J'ai dit non, je vais me passer de vos prêts, et puis je vais me débrouiller. Ce qui se disait dans la campagne, c'est dans 5 ans, c'est la faillite, quoi, quand je me suis installé. En fait, j'ai racheté les terres. Si je fais un bilan global sur l'ensemble, est-ce que j'ai gagné plus d'argent que si j'avais été en conventionnel? Pierre Decomte. Je pense que c'est à peu près équivalent. Voilà, et puis j'ai bien vécu. Et depuis qu'on avait les primes PAC, je regardais même plus ma comptabilité. Et pourtant, je n'avais que 75 hectares au départ, avec de la luzerne qui n'était pas primée, parce que la politique de la PAC, ça a été bien faite pour les céréaliers, hein, et que pour les céréaliers, tout au moins dans un premier temps. C'est pour ça que je dis que les primes PAC devraient être limitées, quoi. J'ai été très prudent dans mes investissements, donc politique archaïque, quoi. On n'emprunte pas à donf, et puis après on se retrouve sans rien. Et puis la conversion de la ferme sur 7 ans, 8 ans, le temps de faire une rotation, quoi. Elle a été convertie en 86. J'avançais dans le brouillard, hein. Il n'y avait absolument pas de conseils sur le bio. Donc, je ne savais pas à quel prix j'allais vendre mes produits. Je ne savais pas combien j'allais faire de rendement, quelle variété prendre, etc. Il n'y avait aucun conseil, hein. On avait là un assolement. On faisait du blé tous les 3 ans, du lin tous les 7 ans. Il faut savoir qu'on faisait pousser du lin avec 8 ou 10 unités d'azote. Et on faisait toujours ça après des chaumes de blé. Mais précédemment, il y avait eu un légumineuse qui avait amené un petit peu de matière azotée naturelle. Que maintenant, ils mettent beaucoup plus d'azote. Ils mettent des raidisseurs. Et puis, parce qu'il faut savoir que du lin, ça se couche et ça se relève 7 fois. Par moment, il est venu vraiment de l'eau la nuit, et dès que le soleil revient, qu'il sèche, il se redresse, et ça fait ça 6 ou 7 fois. Quand il est dans des conditions normales de pousse, s'il est vraiment trop azoté, ça fait du fumier, mais c'est le désastre. Alors, c'est très très compliqué, hein, la Terre. Une vie microbienne, c'est extrêmement compliqué. Mais ça se repose pas. Faut aider. On tirait profit quand même, parce que sinon on peut plus manger. Hein. D'autant qu'on perd quand même, je crois que c'est 1% des terres agricoles tous les ans. Qui plus est, on saccage les meilleures terres de France en général, celles du bassin parisien pour faire simple, c'est pour faire des céréales, parce que moi je suis que céréalier. Et c'est là où on construit toutes les maisons. C'est pas spécifique à Chartres, hein, malheureusement. Peut-être qu'on trouvera autre chose pour se nourrir. Faut être optimiste. Daniel Decomte. C'est assez rigolo, ça, par rapport aux variétés de blé, par exemple. On s'est rendu compte que les variétés de blé qu'on fait en bio sont pas du tout les mêmes que les variétés de blé qu'on fait en conventionnel. Les bio sont intéressés par des longues pailles, alors que les conventionnels mettent des raccourcisseurs de paille pour pas que les épis tombent, alors que nous, on n'a pas des trop gros épis qui vont tomber, quoi. Mais en bio, on est intéressé pour que les blés, ils aillent haut et qu'ils aillent au-dessus des mauvaises herbes. Et puis les bio, en général, font aussi des animaux, donc ils sont intéressés par la paille aussi. Et ça, comment vous apprenez justement l'apport des produits, puisque du temps de votre père, j'imagine qu'il n'y en a aucun? C'est-à-dire, on avait quand même les représentants du produit qui sortait, et puis, mais on en mettait très peu. Hein. C'était le tout début des phytos, tout ça. Alors, quand il y avait beaucoup de main-d'œuvre autrefois, on allait au Chardon et au Rumex, au Dog, et il était aux 4 ou 5 côte à côte dans le champ de blé, et il coupait toutes les mauvaises herbes ou arrachait. Alors au printemps, il passait la herse dans les blés. Après, il donnait un coup de rouleau. Mais ceci dit, il sortait des blés à 50 quintaux, pas plus. Mais il faut dire qu'on sortait des blés à 50 quintaux, mais à l'époque, on touchait aux alentours de 120 francs du quintal. Alors qu'aujourd'hui, ils ont des blés de 100 quintaux, ils mettent des produits de traitement et ils ne touchent pas beaucoup plus cher. Et ils tombent même peut-être moins cher. En ce moment, le blé est à 150 euros tonne. Oui, c'est-à-dire qu'avant, il y avait un prix fixe. Toute exploitation avait son quantum, c'est-à-dire il avait un quota payé plein pot. Le blé était fixé par l'État. Tout ça, ce n'était pas des prix libres. Alors, on avait un quantum. Tout le monde avait le même, petit ou gros. Donc, les petits touchaient un prix raisonnable de leur récolte. Après, quand on avait dépassé le quantum, on était passé sur le prix de marché. Aujourd'hui, on a encore des petits agriculteurs, mais ça disparaît tous les jours. Alors aujourd'hui, on se plaint qu'il y a du chômage et on fait disparaître les agriculteurs par une politique injuste. Pour arriver sur la politique de la PAC, qui depuis 92 permet à l'agriculture de vivre, hein. Il y a des gens qui tirent tous leurs revenus des primes PAC, quoi. Aujourd'hui, alors ça c'est nouveau, hein, c'est parce que ça devient très gauchiste, hein. Au-dessus de 300 000 euros de primes PAC, là, il y a une petite dégressivité. Et les 52 premiers hectares touchent un tout petit peu plus que le reste. Enfin, c'est complètement nul, parce que la différence sur les 52 premiers hectares est dérisoire. Et faire une dégressivité au-delà de 300 000 euros de prime PAC, c'est un scandale, quoi. Après, les gens qui veulent beaucoup d'hectares, ils doivent pas vivre au crochet de la société. Que ce soit les smigards qui leur payent leurs tracteurs, hein. Donc, il suffit de mettre les primes PAC plein pot sur les 52 premiers hectares, dégressivité jusqu'à 150 hectares, et là, on change complètement le paysage agricole. Mais de toute façon, l'effet direct et immédiat va faire qu'il va rester plus d'agriculteurs. Ah ben moi, je remercierai jamais assez l'Europe, hein, ça c'est clair. Alors là, si on n'avait pas eu l'Europe, je sais pas si je serais encore agriculteur et les autres non plus. Ça a été vital pour nous, l'Europe. D'abord parce que ça fait un marché important, pas suffisant pour les céréales, parce qu'on exporte globalement des céréales, mais pendant une bonne partie de ma jeunesse, on exportait dans les pays riverains, quoi, en Allemagne, etc. Parce qu'à l'époque, il y avait encore deux Allemagnes. Ils financent, je ne sais pas en ce moment combien ils financent, mais à l'époque, c'était gigantesque. La part qu'ils prenaient de la politique agricole commune, Ça, je suis très, très, très pro-européen, pour le coup. Enfin, ce serait une autre agriculture. Je pense qu'il y aurait quand même des agriculteurs, mais ce serait vachement une autre agriculture, quoi. Alors, on a quand même la plupart des terres autour de la ferme, ici. Puis, en allant vers Évreux, on a une quarantaine d'hectares tout ensemble. C'est un atout aussi, quoi, parce que... Et en particulier en bio, bon, bah, ça permet aussi de ne pas avoir trop de dérives des voisins. Donc ici, là, vous pouvez voir les cultures. Bon, bah, ça vient tout juste de sortir. Donc ça, c'est parce qu'en bio, on décale beaucoup les dates de semis. Donc on sème toujours plutôt fin octobre, alors qu'en conventionnel, ils sèment même... d'ailleurs, c'est ce qui leur a permis de faire des très mauvais rendements cette année. Il y en a qui commencent à semer au 10 septembre. Donc ça veut dire beaucoup plus de pesticides pour lutter contre les mauvaises herbes, pour les maladies. En retardant le semis, bah, les mauvaises herbes poussent beaucoup moins et les maladies aussi. C'est la somme de température positive qui induit les maladies. Hein, donc là, c'est du seigle. Donc c'est aussi quelque chose un peu particulier par rapport au conventionnel où on fait que du blé, quoi. Le seigle ayant aussi un avantage, c'est qu'il a un port très étalé, donc il étouffe les mauvaises herbes. Hein, et après, il monte assez haut, donc ça permet un contrôle naturel des mauvaises herbes. Et en plus, du pain de seigle, c'est meilleur pour la santé que du pain de blé. Enfin, ça, c'est autre chose après. L'aspect qui m'intéressait le plus, c'était... Alors, dans la pratique, c'était le semis de blé, ça, j'adorais ça. Et puis autrement, les traitements, c'était très intéressant parce que on essaie de faire au mieux avec alors toute la panoplie de produits chimiques dont on disposait pour avoir la meilleure efficacité au moindre coût. Alors maintenant, les enfants, eux, ils ont la meilleure efficacité au moindre coût avec le moins d'impact environnemental. Ça, nous, à l'époque, on n'avait pas ce problème. Il y a deux années extraordinaires. C'est 84 et 85. C'est deux années merveilleuses. Pratiquement, il suffisait de jeter du blé par terre et on avait 115 hectares. Je caricature, bien évidemment, mais tout a bien marché ces deux années-là, quoi. D'abord, j'ai pas fait d'erreur en matière stratégique, entre guillemets. C'est-à-dire, j'ai semé les bonnes cultures dans les bons endroits et tout a très bien marché. Mais bon, c'est le coup de bol, quoi. Mais c'est agréable quand même. Le matin, je travaillais mes vaches. Et après, j'allais faire un tour de plaine. Je marchais vite à l'époque. Et c'était jamais pareil. Tous les jours, ça changeait. Le lever du soleil, le lin qui poussait, que parfois, il gagnait un centimètre par jour et plus. Et le Pays de Caux, c'est la meilleure terre du monde pour faire du lin. Ça pousse à peu près à un mètre de haut. Et le lin bleu, ça ondule. Vous croiriez sur la mer avec des vagues. C'est sensationnel, un champ de lin qui est fleuri. Mais il faut être matinal le matin parce que à 2h, tout est fermé. On contrôlait, on voyait. Parce qu'à l'époque, on était des vrais paysans, disons. Maintenant, il y a des conseillers techniques qui dirigent. Il y a la protection des végétaux qui dit quelle mouche a pondu la nuit. Il y a la météo qui dit quel temps qu'on va avoir. Que nous, le matin, on se promenait, on regardait le soleil, le temps, la direction du vent, la lune. Et il me disait, tiens, ben, la marée montante à 2h, on aura le droit à l'orage. On gérait vraiment tout nous-mêmes à l'époque. Voilà. Alors, on élève des cochons depuis tout le temps. Initialement, quand on s'est installé, nous, en 67, on avait une quinzaine de truies chez mes parents. Nous, on l'a monté un petit peu plus, on a monté à 40 truies. Et puis, suite au partage de la ferme, il fallait faire un petit peu plus de sous. Là, on a fait un élevage de 120 truies. Partage avec vos avec frères et sœurs. Frères et sœurs, ouais. Jean-Claude Chausset. Donc, on a dû racheter les trois quarts et on venait de restaurer notre maison en 76. Oui. Pour assumer les remboursements, on a décidé d'augmenter le cheptel. C'est là qu'on s'est endetté. Et là, ça a été un peu dur, le fait de s'endetter ou de s'agrandir. Ah, oui, ça a été... L'argent oui. coûtait bien très cher à ce moment-là. Hein. Oui, on a emprunté 13%. Bon, 13,85. C'est pas grave si vous avez de l'inflation. Si vous avez le prix de vos produits qui augmente, c'est pas grave. C'est... Les cours se sont effondrés. Mmh. On a perdu tous nos capitaux propres de l'exploitation. Hein. Il nous restait en fait la valeur de notre terre qu'on avait pu acheter et qu'on nous avait donnée. C'est là qu'on a décidé de faire de la vente directe. C'est en 91. Marie-Claire Chaussé. On a une idée comme ça, mais il faut la mettre en œuvre. Hein, oui, mais c'était une idée. Une vieille idée. C'était une vieille idée. Oui, on pensait que c'était souhaitable de faire la fin du produit. Oui. Et qu'est-ce que vous avez changé à ce moment-là dans votre ferme? Alors, on a construit un labo. Et ça, ça a permis de vous redresser Oui, ça a mis un petit peu de temps. Ça a mis du temps, parce qu'on descend beaucoup plus vite qu'on ne remonte. Hein, oui. Ça nous a fait peur quand même, non? Oui. On s'est fait du souci quand même. Hein, ben oui. Et d'arriver à remonter, bah, c'est une satisfaction, oui. Parce que là, vous ne dépendiez plus des cours. Ah ben non. Voilà. C'était nous qui décidions du prix. Les prix raisonnables, bien sûr, mais c'était nous qui décidions du prix. Quoi, c'est tout. On peut dire qu'on a eu du succès quand même, parce que la première semaine, on avait embauché un cousin à toi. À l'époque, il tuait les cochons en campagne. La semaine d'après, on a embauché un autre gars, et puis la semaine d'après, encore un. Entre-temps, la famille s'était agrandie. Oui. Il y avait aussi de l'aide, du soutien. Oui, bah oui. nos enfants étaient étudiants à l'époque. Hein. Oui. Et ils nous aidaient en fin de semaine à assurer la vente, hein, ça c'est certain. Oui. Ils faisaient des quiches. Hein? J'ai jamais eu la sensation de travailler. De même que j'ai jamais connu de patron. Ça a toujours été ma vie, quoi. J'ai jamais travaillé en sens que je me suis jamais dit le matin « Ah ouais, faut y aller, ça n'a jamais été pénible. » Parce que, d'abord, géographiquement, on est sur place, ce qui est quand même un peu différent des gens qui se rendent à leur travail. Déjà, on peut partager avec sa femme. Et ça permet malgré tout de se comprendre, quoi. Quand il y a des soucis, c'est quand même plus facile que d'avoir ça pour soi et de surmonter seul. Enfin, ça dépend peut-être des caractères, mais moi, j'aime bien faire partager à ma femme. Bon, quand mes enfants étaient grands, après, eux aussi, à leur expliquer pourquoi il y avait un souci ou pourquoi ça allait bien, parce que ça va bien aussi parfois. Enfin, elle travaillait pas un peu avec moi, elle travaillait beaucoup avec moi. Elle a jamais monté sur un tracteur, hein, mais c'est elle qui faisait toute la partie compta, toute l'administratif. Elle avait fait des études de comptabilité, hein, ce qui l'a prédisposé, ce qui m'arrangeait bigrement. C'est vraiment un mode de vie. J'avais une passion, c'était la mécanique, mais on m'a pas permis. On m'a dit, tu feras un agriculteur. Mais j'en ai pas vraiment souffert parce que ça a tellement évolué que j'étais agriculteur, j'étais un peu mécanicien, j'étais vétérinaire, j'avais des animaux. Parce que le métier le plus dur, c'est le métier d'éleveur. Faut l'avoir fait pour savoir ce que c'est. Vous partez le soir à 7h, tout le monde est couché dans la poche, ça dort, c'est mignon comme tout. Vous arrivez le lendemain matin à 6h, tout le monde a faim, tout le monde pleure, tout le monde gueule. C'est comme des bébés. C'est incroyable. C'est passionnant aussi. Faire des vélages, tout ça. Il y avait des précautions à prendre. Alors, une anecdote qui est... Quand vous faites un vélage, forcément, vous avez le bras dans la matrice de la bête. Vous sentez le petit veau. Vous avez sa gueule qui est au bout de vos doigts. Vous lui donnez le petit doigt, il tète. Dans le ventre de sa mère. Hein. C'est incroyable. Et bon, on faisait du beurre, de la crème, des œufs, tout ça. Et mon épouse, qui adorait le commerce, vendait ça au marché. C'est pareil, on faisait un produit, mais c'était bien spécifique à nous. Parce qu'on ne peut pas se figurer l'alimentation des bestiaux, ce que ça joue sur le produit. On retrouvait les quatre saisons dans le produit. Le beurre d'hiver, c'était le moins bon. Au printemps, vous sentiez l'herbe qui arrivait, le beurre, il avait un goût. Après, on faisait des trèfles rouges, des trèfles incarnats, des trèfles violets. Comme on avait une bonne partie en prairie, Denise, là, on peut dire qu'on n'utilisait pas de produits de traitement. On avait un produit très bon pour la santé. C'était resté à l'état pur. Et on ne faisait pas de maïs, tout ça, comme maintenant. Nous, l'hiver, on faisait beaucoup de betteraves, avoine, orge. Ce qu'on faisait chez nous, en fait, on achetait du tourteau de lin, que maintenant, on n'en trouve plus beaucoup, et c'est inabordable. Ça faisait un beurre de qualité, qui avait de la main, comme on dit. Thank you. n'avait pas l'eau, le propriétaire ne voulait pas nous installer l'eau. Bernadette. Parce qu'on avait un propriétaire qui ne faisait rien. On a eu une salle de bain, c'est nous qui l'avons installée et payée parce que ça ne les intéressait pas. Les toilettes, tout ça, ça ne les intéressait pas. Ils ramassaient le fermage, on pensait tout. Et à qui vous les louiez, ces terres? Des châtelains. C'était une marquise, voilà. La marquise de Montesson, si vous voulez que je veux le citer, ça n'a aucune importance. Hein. Elle n'est plus là, elle est morte depuis longtemps. Vous savez, c'est des gens qui aiment bien mettre dans leur porte-monnaie, ça. Pas de cadeau, hein. Oui, oui. Fermé du château, oui. Et quand vous avez eu vos enfants, vous avez eu une fille et un garçon, c'est ça? Oui. Est-ce que vos enfants travaillaient avec vous et votre mari? Non, non, très rarement. Comme dit Patricia tout à l'heure, elle travaillait que quand vraiment, que moi je ne pouvais vraiment pas, mais c'était très rare parce que moi je ne voulais pas qu'il y aille. Et le foin, il y a des fois, il nous aidait bon, ben, un petit peu parce qu'on était que tous les deux. Hein. Mais sinon, c'était pas sur la ferme. Ni l'un ni l'autre, d'abord, on ne voulait pas. Même tous les deux, on ne voulait pas qu'ils restaient à la ferme. Non, on voulait qu'ils fassent quelque chose d'autre. Ils ont fait des études qu'ils ont souhaité faire. Oui. Après, ils ont décidé de revenir, mais ils l'ont décidé, quoi, en quelque sorte. Quand on a des enfants, c'est un peu dommage de les envoyer travailler ailleurs. Hein. C'était notre façon de penser. Quoi. La tienne. La mienne, oui. Oui. Et puis, pour ce qui est de la succession, bah, c'était plus facile d'avoir les trois enfants. Parce que nous, on a souffert de ça, quand même. Là, les enfants, ils ne sont pas obligés d'acheter le foncier et tout ça. Et le capital d'exploitation. Parce qu'ils sont tous les trois dedans. Je n'étais pas vraiment très, très pressé, en fait, de transmettre, pour dire vrai. Pierre Decomte. Mais j'ai transmis la moitié de la ferme, alors donc, au copain de ma fille, qui a été apprentie, d'ailleurs, ici. Et donc, je lui ai cédé la moitié de la ferme, il y a 6 ans, avec promesse de lui céder l'autre moitié de la ferme 5 ans après. J'ai trouvé que les 5 ans après arrivaient très vite. Mais bon, je m'étais engagé, donc... Je lui recède tout le matériel, c'est lui qui s'occupe de tout. Et par contre, moi, quand je suis là, parce que j'ai d'autres activités annexes, je lui donne un coup de main quand il veut et je suis aux ordres. Bon, lui, par contre, il y a 6 ans, comme il n'avait que 45 hectares, on ne peut pas vivre avec 45 hectares de céréales, et il s'est mis à faire des légumes sur des terres qui n'étaient pas des terres pour faire des légumes. Donc c'est assez méritant. Et aujourd'hui, il a à peu près 7 hectares de légumes. C'est sa plus grosse activité, pratiquement, maintenant. Il a voulu montrer qu'il savait faire autre chose que ce que moi, je faisais. Donc, et pourquoi pas. Mais le fils est parti sous d'autres horizons. Philippe. Il est heureux là où il est, mais ça m'aurait fait plaisir qu'il prenne ma place, c'est sûr. Vous avez essayé ça, de transmettre, en tout cas? Ça a été très difficile parce que ça ne l'intéressait pas. Pour vous donner un petit exemple, si je moissonnais avec mon fils, il lisait un bouquin dans le tracteur, moi je remplissais la trémie de la moissonneuse, et puis au moment de vider la trémie, il fallait que j'aille taper au carreau pour qu'il vienne sous la machine pour remplir là. Alors une fois ça passe, deux fois, et puis après, ben, prenez le coup de sang, et puis ça allait mal. Il y avait beaucoup d'acquéreurs, parce qu'une ferme c'est quand même difficile à trouver. Beaucoup voulaient un agrandissement, voulaient faire des résidences secondaires dans les bâtiments. Et moi, je tenais à conserver mon clos masure, avec ma rangée d'arbres tout autour. Moi, je suis resté dans ma maison, qui est quand même du XVIe siècle. Ça fait 80 ans que je suis dedans. Et il y avait un beau bâtiment qui a été transformé en maison. Et comment vous voyez l'agriculture que pratique votre successeur? Alors là, je prends un joker, oui. J'ai 3 enfants agriculteurs. C'est pas facile de trouver 3 fermes. Quoi. Marc Bourgeot. Mon deuxième, Guillaume. Lui, il a attendu un bon moment pour pouvoir en trouver une près de Tours, là-bas. Rodolphe, il était ici, ça posait pas de problème. Et j'ai ma sœur aînée qui n'a pas d'enfant, qui avait une ferme, donc mon aînée a pu s'installer là-bas. C'est un coup de chance, hein. Ça me fait penser à ce que De Gaulle disait. Après lui, il n'avait pas peur du vide, mais du trop-plein. Ben là, c'était un peu le même cas. Il y a beaucoup de capital par rapport aux revenus que ça peut faire. Quoi. C'est la difficulté des jeunes agriculteurs qui sont nés dans des milieux autres. Il faut qu'ils trouvent un GAEC ou je ne sais quoi, une société comme ça, pour s'intégrer. Parce que à titre individuel, ça me semble... bien souvent difficile. Jean-Claude Chaussé. Les personnes qui s'occupent de la SAFER, ils protègent ça un petit peu quand même aussi. On a fait de la vente directe, c'est aussi pour cette raison, parce que un agrandissement, bah, c'était inenvisageable. On ne correspondait pas au profil, sans doute. Et puis, il faut savoir faire ça, nous, on ne savait pas. Ça peut écraser les voisins, hein. On est un petit peu socialistes, nous. Ben oui, ben oui, c'est comme les hommes politiques, c'est pareil, hein. C'est plus fort la pouche. Vous élevez les petits porcelets? On élève les porcelets. Pour se diversifier, on a commencé à avoir des bovins et puis des moutons et puis de la volaille pour approvisionner le magasin. Voilà. L'exploitation a une taille de 150 hectares et on cultive les céréales pour les animaux. Oui, ça sent un peu plus fort, ça fait un peu plus de bruit. Ça, c'est une porcherie à caillebotis partielle. Vous avez des cabanes, on appelle ça une... C'est une porcherie de type Cambourg. C'est un concept anglais qui est déjà ancien puisque c'était construit en 81. Ça, on envisage, je vous dis, le substituer par la porcherie sur paille qu'on envisage faire les prochaines. La paille, ce sera sans doute plus confortable. Puis là, l'inconvénient, c'est les conditions de travail parce que quelquefois, vous avez, quand il fait un peu chaud, les cochons, au lieu d'aller sur le caillebotis, souillent le gisoir. Alors, il nous faut passer une raclette tous les matins. C'est à moitié pénible. C'est là qu'on mesure la condition humaine, la condition de paysan. C'est vrai, je vous assure, c'est vrai. Un fait marquant, c'est l'ouverture de notre boutique. C'est vraiment un fait marquant, hein, pour nous. Oh, ben oui. Vous alliez voir des fermes qui pratiquaient ça nous intéressait et ça nous intéresse toujours. Toi, ça te mène, c'est pas pareil. Dans le même état d'esprit, nous sommes allés récemment là, au Bec-et-Loin. Ils développent la permaculture, oui, ils expérimentent. Ça nous a intrigués, quoi. Tout le printemps, tout l'été, on s'est occupé du jardin. Et puis je m'occupe du linge, hein. Il y a beaucoup de linge à entretenir pour le labo, etc. Oui. Et puis un coup de balai par-ci, un coup de balai par-là. Il y a beaucoup d'entretien, hein. Il y a de l'espace, hein. Donc les tontes, tout ça, c'est beaucoup d'entretien. Puis offrir le café à quelqu'un qui passe. Hein. Oui, café chez nous. Revoir les gens qu'on a connus, c'est plaisant. Ça a été important pour vous de transmettre ce commerce, cette place de marché? Oui, pour moi ça a été très important, au moins de se dire qu'on a laissé quelque chose derrière nous. Une clientèle et un savoir-faire, je trouve que c'est précieux. Vous continuez à avoir des liens et à accompagner la personne qui vous a succédé? Étant donné que mes enfants sont loin... Je me dis, c'est ma troisième fille. Ça a été difficile de les voir partir. Mais c'est normal, chacun sa route. Ouais, j'aurais bien aimé... Être écrivain, évidemment, ça c'est le top, mais... Pour vivre de ça... La question ne s'étant jamais posée, j'ai jamais affiné. Je suis par exemple passionné de Proust... Et quand j'étais même dans les champs, je prenais toujours un bouquin parce que il arrive qu'on ait 10 minutes à attendre. Alors voilà, on est en vue de ma ferme, enfin mon ex-ferme, la ferme de mon fils. Vous voyez, c'est beau quand même quand ça vient d'être semé comme ça. Non, vous n'êtes pas sensible à la beauté de la terre de Beauce. Il a combien d'hectares, votre garçon? Alors, à lui, il a un peu plus de 180. Mais il en cultive aussi pour une cousine qui en a, elle, 70, donc il fait l'ensemble. Alors voilà, la mairie, l'école, l'église. J'ai été maire en 83, plus 25 ans, vous faites l'addition. Et autrefois, tout ça, c'était ma famille qui habitait toutes ces maisons-là. Alors, le salarié que j'avais habite là. Alors tout ça, c'était des champs à moi autrefois, hein. Si vous avez cédé au... J'ai vendu, ouais. Non, j'ai pas tout vendu, d'ailleurs, une partie à droite, là. Oui, on avait des terres agricoles, mais ça devenait infernal de cultiver à cet endroit-là, parce que c'est entouré de maisons, donc en fait, on a fait, nous aussi, des maisons qu'on loue. Est-ce que ça a beaucoup changé, ce paysage, depuis... Non, le paysage n'a pas changé. Non. D'ailleurs, à tel point que Madame de Sévigné s'en plaignait quand elle traversait la Beauce, qu'il n'y avait pas de haies, de bois, de... Les parcelles étaient toutes petites, mais l'image était la même, quoi. Alors, vous voyez, les petites haies, là, en fait, ça, c'est une nouveauté. En fait. Ça permet, théoriquement, au gibier de mieux se reproduire. Autrefois, il y avait des herbes qui poussaient dans les champs jusque dans les années 60. Maintenant, il n'y en a plus du tout avec les herbicides. Et les perdreaux, notamment, n'arrivent plus à retrouver leur nid. Parce que quand vous avez comme ça, là, il y a 70 hectares même d'un coup, là, où ils vont en bordure faire leur nid, là, dans ce cas-là, ils arrivent à le retrouver, mais ils peuvent être écrasés, les nids, ou, enfin, ils peuvent avoir des soucis. Ou s'ils font ça un peu plus au milieu, ils les retrouvent plus. Ils sont perdus. Mes enfants ont fait des bouts de haies comme ça, qu'ils devront entretenir d'ailleurs, parce qu'elles devraient être taillées. Mais... Je vois qu'il ne faut pas qu'elles le soient trop si on veut que ça ramène un peu. Oui, mais enfin là, ça va finir par gêner. Oui. Et on ne chasse pas le perdreau en bouse depuis, je ne sais pas, au moins 15 ans. Est-ce qu'il n'y en a plus? Et il y en a moins. Il y a eu une volonté de la part de Bruxelles et au plus de la France d'ailleurs de favoriser les haies. Bon, j'en ai profité, j'ai planté des haies comme ça pour avoir des aides tout simplement. Ça n'a pas été d'une efficacité extraordinaire. Alors si vous avez la recette pour introduire le perdreau en Beauce, là vous serez béni de tous les agriculteurs beaucerons. Je me renseignerai. Il y a du vent. Hein. Alors voilà, ça j'aime parce qu'on voit de loin quoi. J'ai une sensation de claustrophobie quand je vais dans les bois, parce que on voit pas après 10 mètres, quoi, en gros. Alors que là, on voit 10 km, carrément. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur l'orge? Parce que ça, c'est de l'orge, hein. Là, ça, je le sais parce que je suis paysan. Sinon, à cette époque-là, on voit pas beaucoup de différence. Ça a pas du tout le même aspect que du blé, quoi. Que je vous montre ça. Alors, vous voyez, les feuilles sont plus larges que du blé et elles vrillent un peu. Elles ont tendance à s'enrouler un peu sur elles-mêmes. Et elles sont nettement plus larges que sur du blé. Comment ça va être un peu malade, d'ailleurs. La feuille est un petit peu attaquée. De toute façon, toutes ces feuilles-là vont être détruites, vont être sénescentes, pour parler scientifiquement. À la récolte, il n'y en aura plus de celles-là. On arrive à se mettre extrêmement droit maintenant parce que on est guidé par les satellites, quoi, tout simplement. Sur un kilomètre, on peut avoir 2 cm de différence d'écart, ouais. C'est presque inhumain, même, je dirais. C'est juste de l'esthétique, hein, le fait de semer droit. Alors, théoriquement, ça permet d'optimiser la quantité de semences. Mais enfin, c'est un peu du pipeau parce que c'est marginal, quoi. Ça amuse beaucoup les jeunes agriculteurs, mais la rentabilité économique me paraît un peu illusoire. Mais ils adorent ça, les jeunes. Alors c'est vrai que c'est pratique, hein, parce que sur son tracteur, le gars il peut lire pour le coup là. Le tracteur se dirige tout seul, vous n'avez pas à conduire. Faut tourner dans le bout quand même, mais c'est tout. L'avenir de l'agriculture, vous l'imaginez comment? Oh, c'est difficile à dire parce que ça va tellement vite. Alors les gens veulent de plus en plus grand pour amortir les matériels. C'est quand même un peu quitte ou double. Je vois au pays, bon, ben, y a une vacherie de 120 vaches, il y en a une autre de 150. C'est déjà beaucoup, 150. Bah oui, c'est énorme. Oh, mais moi, je les admire pas parce que le boulot, les vélages, les tout, hop, on dort plus. Je suis allé faire un voyage d'études en Allemagne il y a, je sais pas, une dizaine d'années maintenant, 15 ans. Ils venaient de reprendre les Länder de l'Est. C'était des sofkos ou des kolkos gigantesques. Ils ont réfléchi qu'est-ce que devait être leur type d'agriculture. Ils se sont dit, il faut qu'on fasse une agriculture familiale. Et alors là, qu'est-ce que c'est qu'une ferme familiale après? Pour les céréales, ils ont convenu que c'était à peu près 1000 hectares. Et je pense que ça correspond à la réalité. Et en France, on est très très très loin de ça. À mon avis, il y a quand même une grosse faute de la part de la FNSEA, qui est notre grand syndicat et qui freine ce type de développement. Alors, faut pas évidemment tomber non plus dans les extrêmes, mais ouais, 1000 hectares, ça me paraît être une bonne surface pour faire une ferme familiale. En tout cas, pour vous, l'avenir, ça serait plutôt ça? Non, l'avenir, c'est la diversité. D'accord. Des petits. Bien sûr. Quelqu'un qui veut faire un truc très pointu dans son coin, je trouve ça formidable. Il y a une différence énorme entre ceux qui font du très haut de gamme et les autres, quoi. Vouloir toujours produire plus, c'est pas forcément raisonnable non plus, sachant qu'on est... Non, mais c'est pas raisonnable, mais il faut quand même qu'on arrive à alimenter toute la population mondiale. On nourrit pas le monde aujourd'hui. On est bien d'accord. On nourrit pas le monde. Il y a plein de gens qui meurent de faim. La première chose à faire pour nourrir le monde, c'est de supprimer toutes les usines à cochons et à poulets. C'est des animaux qui nécessitent 7 fois plus de surface pour nourrir quelqu'un que si on mange des protéines végétales. Enfin bon. Or, ce tournant-là, on le fait à l'inverse. C'est très frappant en Inde, mais même au Pérou et en Amérique du Sud aussi, on a pu voir ça, quoi. Et moi, je dirais, ce qu'il faudrait aussi, c'est arrêter de déverser nos surplus alimentaires en Afrique, par exemple, où on déstabilise complètement l'agriculture locale en faisant ça. On la détruit. Il faut mettre l'accent à fond sur l'agriculture locale, hein. Ça, c'est fondamental. Polluer ici les sols pour exporter, pour soi-disant nourrir le monde, soi-disant. Hein, c'est un argument qui ne tient pas du tout. Ça tient pas, hein, ça tient pas. On en mettra toujours, parce qu'il y a des récoltes où on ne peut pas s'en passer. Mais on pourrait peut-être toucher un peu plus à la recherche pour arriver à des produits moins nocifs. C'est bien gentil le rendement, mais il n'y a pas que ça. Mais moi, je crois que c'est un mouvement continu. Hein. Il suffit de voir comment ça se passe aux États-Unis. Il y a des grandes fermes, des ateliers d'engraissement pour les bovins. Et les gens qui vivent dessus sont moins riches que la moyenne des Américains. Non, je vois pas pourquoi ce serait différent ici. Le fait de continuer à s'agrandir, mais oui. pas pour améliorer son sort. Ça convient aux gouvernants, parce que ça permet d'augmenter le pouvoir d'achat, parce qu'on a un budget alimentaire qui est très faible. Mais je pense que la plupart des gens n'ont pas conscience de ça. Quelle société on veut, quoi ? Est-ce qu'on veut que des fermes de 1000 hectares ? Ou est-ce qu'on veut garder un tissu rural dense avec beaucoup d'agriculteurs? Je pense que c'est un très beau métier, l'agriculture. C'est dommage que ça puisse pas être partagé avec le plus de personnes possible, quoi. Surtout quand on est dans un contexte de chômage. Est-ce que chez vos petits-enfants, est-ce qu'il y en a parmi eux que vous sentez venir vers vous, vers le type de vie que vous avez eue et d'activité? Oui, il y en aura. Ce qui nous fait grand plaisir. Oui, c'est considérer que notre activité est intéressante et qu'on peut peut-être lui apporter un peu quelque chose, non ? C'est la vie qui... C'est la vie, je pense. Qui continue, que ça... hein. Oui. Donc ils viennent vous visiter pas mal. Et... Ah oui. On les voit tous, oui. Oui. On s'en occupe peut-être pas suffisamment, mais enfin, ils sont là. Oui, ça c'est sûr. Partage la vie, hein, c'est tout. Oui. C'est pas mal déjà. On a beaucoup de chance, oui. C'est aussi que vous avez su leur faire la place, hein, parce que s'ils viennent, c'est qu'ils s'y sentent bien. Oui. Voilà. C'est pas souvent de voir une exploitation vraiment la familiale au sens large du terme. C'est le temps qui fait ça, mon grand-père et ma grand-mère qui ont commencé. Puis après, il y a eu les enfants qui ont suivi. Et donc maintenant... Paul Boutier. C'est la succession des générations et c'est ce qui a fait le développement de la ferme. On parle de la transmission du savoir-faire, mais il faut pas rester que non plus là-dessus, parce que si on reste là-dessus, c'est le problème de beaucoup d'exploitations en ce moment, qui ne cherchent pas à se diversifier. Mais l'exploitation que je voudrais, elle ressemble quand même beaucoup à celle-ci, mais on peut imaginer d'autres choses, comme venir à la méthanisation ou d'autres nouvelles technologies qui pourraient améliorer la vie. C'est vers une agriculture de conservation qu'on va se tourner, je pense, maintenant. Pas forcément une agriculture biologique, mais qui utilise le sol et qui ne va pas contre le sol. Il faut du temps. Voilà. Prochainement, je vais aller à une formation. Donc, il y a un agriculteur bio qui est en agriculture de conservation des sols. Emmanuel Gauthier. On va l'écouter et puis on va voir si on peut essayer de faire des techniques qu'il utilise. Toute agriculture peut s'inspirer d'une autre agriculture. Après, les produits de traitement, ne sont pas défendables, mais... Sans passer, pour le moment, je n'y arrive pas, quoi. Tout le monde a eu des grands-parents agriculteurs à un moment donné, puisque l'agriculture, c'est le premier métier au monde, je dirais. Lucie. Je trouve que c'est une fierté d'être fille d'agriculteur et justement de sortir de cet environnement-là pour construire un autre métier. D'ailleurs, c'est mon objectif. L'agriculture, elle évolue dans le bon sens. David Boutier. On sent vraiment, aussi bien chez les jeunes à venir ou même pour ceux qui sont déjà en place, à vouloir améliorer les formes de culture. Je parle des produits, évidemment. L'avenir, ça va dans ce sens-là. L'année dernière, on a eu des centaines de millimètres d'eau en un mois. Et l'année d'avant, on n'a pas eu d'eau pendant 2 mois. Rodolphe Bourgeot. On ne va pas intervenir avec du chimique. Maintenant, on en est sûr que les changements climatiques s'engendrent ce genre de choses. Il faut que nos variétés de demain soient capables d'accepter des conditions, on va dire, un peu extrêmes. Mais c'est de la recherche, donc c'est à 10 ans, 20 ans, voire plus. Par rapport au mode de production, si on se situe dans le bio, dans le conventionnel ou un peu dans l'intensif, si on peut appeler ça comme ça, elle est bien diversifiée. Puis je dis que c'est pas plus mal parce que la population, elle est divergente. Hein. Vous en avez qui veulent manger des produits très sains, mais il faut avoir le budget. Il y en a qui se situent dans notre ligne parce que ben on est dans le traditionnel. Et puis il y en a qui manquent de budget, malheureusement, ben, ils vont vers des légumes moins chers qui ont les problèmes qu'on connaît. Hein. Ouais. Et ce mouvement de jeunes qui s'installent néo-ruraux dans des plus petites structures. C'est peut-être la nouvelle demande de demain, des circuits courts. Hein. Puis tant mieux pour eux, parce qu'ils ont le mérite de vouloir réussir à quelque chose. Nous, il faut partir direct sur un truc de qualité. Tu fais le calcul du bio. Sylvain. C'est sûr, c'est un peu plus cher, mais derrière, t'as pas pollué l'eau, t'as pas causé de cancer, etc. C'est tout un... Donc finalement, le coût pour la société il est 10 fois moins élevé que pour une agriculture conventionnelle qui coûte pas cher en hard discount. Il faut rééquilibrer les choses. Après, si on avait plus d'aide publique, je pense que les prix baisseraient aussi, hein, tout simplement. J'ai déjà des gens qui me demandent qu'est-ce que j'ai semé là, puis tu vas donner quoi à tes vaches l'année prochaine. Je vois des conventionnels qui me posent des questions sur ce que je vais faire. Ils posent des questions et je pense qu'ils s'en posent. Olivier Potel. Plus on va être d'agriculteurs bio un peu disséminés dans la nature, on va susciter encore plus de curiosité. Moi, c'est mon cas aujourd'hui. De vouloir transmettre un outil en meilleur état que je l'ai trouvé. Quand je serai grand, je vais avoir... Alexandre. À peu près la même. Par contre, avec de nouveaux tracteurs. Mais tu aimerais aussi avoir des vaches, des poules? Oui. Enfin, les poules moins. Moins de poules. J'ai ma dernière question. C'est quelle est votre saison préférée et pourquoi? Ça, c'est une question difficile. l'hiver, moi, je dirais que... Ça peut être ma saison préférée parce que je m'en vais aux Antipodes, en Amérique du Sud ou je ne sais où. Non, l'hiver, pour moi, c'est pas très attrayant. Non, je préfère plutôt l'été et l'automne. Quoi. L'été, c'est l'époque des moissons. C'est là où on voit tout le travail qu'on a fait dans l'année et il aboutit enfin. Oui, c'est ça. Et l'automne, c'est là où on sème, donc on prépare la prochaine saison. Oui, et puis j'aime bien l'été indien. C'est le printemps, l'été. Voilà. Parce qu'on voit tout pousser, les vaches sont au pré, elles sont propres, elles sont... Le beurre de printemps, c'est le meilleur. Le printemps, surtout pour jardiner. Ça occupe. Quand il fait beau, d'après tout, on est bien dehors. Voilà, j'ai tout dit. Octobre, c'est merveilleux parce que... D'abord, on fait une page blanche. Donc la terre est nue, on sème. Et c'est un peu comme un enfant qui va marcher. C'est merveilleux. On ne sait pas ce qu'il deviendra plus tard, mais pour l'instant, c'est merveilleux. Par contre, à la récolte, il a raté ses études, il s'est fait virer. Enfin, bref. Sinon, moi, ce que je préfère, c'est octobre. Oui, pas parce que c'est l'automne, mais parce que c'est le début, c'est la promesse, quoi. Et les fruits passeront la promesse des fleurs. Même disait Malherbe. L'hiver est toujours un peu tristonné. Les arbres ont perdu leurs feuilles. C'est beaucoup plus gris. Quoique, quand on a un peu de neige. C'est toujours le printemps que vous préférez aujourd'hui? Ah oui, toujours le printemps. Là, c'est la renaissance, le printemps. J'aime bien. C'est le printemps. C'est le printemps. Parce que les jours se rallongent et puis il y a du soleil et puis tout repousse. Hein. Vous avez vu un champ de betterave? Il y est. Oui. Tout redémarre. Hein. À grande vitesse, ça c'est fabuleux. C'est, on rentre dedans là, c'est fait froid, il fait nuit. Oui, tout s'endort. Hein. L'été c'est un peu trop long, mais le printemps c'est bien. Oui, c'est l'enfance. C'est bien. Merci à Marc Bourgeot, Marie-Claire et Jean-Claude Chausset, Bernadette, Daniel et Pierre Decomte, Philippe et Denise. Pour leur soutien, merci particulièrement à Bérénice d'Orléans, du réseau bio de Normandie, et à Alexandra Céalis. Un documentaire de Julie Navarre, mixé par Alain Joubert, réalisé par Jean-Philippe Navarre. Agricultrice, maraîcher, éleveuse, céréalier, paysanne bio ou en intensif, LSD c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou nous réécouter à la lettrerie, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Mathias Mégy et Anise Signoret. Vous pouvez nous podcaster sur toutes les plateformes et nous suivre sur la page Facebook de France Culture, sur Twitter, LSD Série Doc, et même sur Instagram, LSD La Série Documentaire.